chanterai à mon Dieu, aujourd'hui et toujours, car grande est sa bonté, éternel son amour. C'est lui qui me délivre, m'arrache à la frayeur, lui qui me fortifie et qui me rend vainqueur. En lui je me confie, car il est mon sauveur. Ta grâce me suffit, suffit à mon bonheur. Avec passion, éternellement, je te dirai merci, merci pour tout ce que tu as fait. Avec passion, éternellement, je te dirai merci, merci surtout pour qui tu es, surtout pour qui tu es. Tous les jours de ma vie, aujourd'hui et demain, je te célébrerai, car tu es le chemin, la vérité, la vie, l'étoile du matin. Tu es prince de paix, mon abri, mon soutien, bon berger de mon âme, débordant de tendresse, mon cœur reconnaissant te bénira sans cesse. Avec passion, éternellement, je te dirai merci, merci pour tout ce que tu as fait. Avec passion, éternellement, je te dirai merci, merci surtout pour qui tu es, surtout pour qui tu es. Merci surtout pour qui tu es.